Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Refait la Coupe du Monde, l'émission qui vous raconte l'histoire de la Coupe du Monde de football. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Vous me direz pourquoi cette Coupe du Monde ? Bah tout simplement, je voudrais revenir sur la demi-finale France-Allemagne, un match qui a marqué des vies que beaucoup de spécialistes appelleront Séville 82. Ce match est devenu l'une des rencontres légendaires de l'histoire de la Coupe du Monde. Beaucoup de journalistes, spécialistes ou commentateurs de football, quand on leur pose la question « Quel est votre meilleur souvenir en Coupe du Monde ?», ils répondent dans un premier temps la Coupe du Monde 1998, évidemment, et l'autre souvenir est la Coupe du Monde 1982, appelée Séville 82. Le passage de 16 à 24 équipes offre 8 places supplémentaires à l'Afrique et à l'Asie. Ils obtiennent chacune un billet. C'est également le cas pour les Sud-Américains, 3 places qualificatives et la zone d'Amérique du Nord et Centrale et Caraïbes, 2 places. Dans le même temps, l'Europe compte 4 places supplémentaires qualificatives pour un total de 14. 5 pays disputent le tournoi pour la première fois de leur histoire. L'Algérie, le Cameroun, le Honduras, le Koweït et la Nouvelle-Zélande, patrie du rugby. Avec 24 équipes, la Coupe du Monde 1982 en Espagne fut la plus grande réunion de nations de football jusqu'alors à l'époque. Vu qu'aujourd'hui on en compte 32, elle accueille des équipes créatives comme le Brésil et la France. Mais les deux pays furent éliminés lors des matchs épiques contre des adversaires mieux organisés. Le Brésil contre l'Italie et la France contre la RFA, lors de la première séance de tir au but de la Coupe du Monde. En finale, les Italiens battirent les Allemands 3 buts à 1 et remportent le titre pour la troisième fois, égal le record brésilien à l'époque. On va rester focalisé sur la demi-finale, Allemagne-France, ce fameux match de Séville 1982, qui restera jamais dans l'histoire de l'équipe de France de football comme un mythe cruel et éternel. Un sommet incomparable. Par sa qualité, le nouveau technique individuel de ses acteurs sont à suspense. Ses rebondissements, cette demi-finale reste l'une des rencontres les plus mémorables du tournoi. Certains observateurs évoquent même le match du siècle. À Séville, le 8 juillet, l'opposition entre la créativité française et la discipline collective allemande tient ses promesses. Mieux entrée dans la partie, la RFA, République fédérale allemande, dite Allemagne de l'Ouest, ancienne de comporter l'équipe d'Allemagne jusqu'en 1990, due à la chute du mur du Berlin, ouvre le score par Pierre Lidbarki, qui reprend un ballon repoussé par Jean-Luc Ettori, 1-0 pour l'Allemagne. La France réagit par Michel Platini sur penalty à la suite d'une faute commise sur Dominique Rocheteau. En deuxième période, l'incident autour de Patrick Battiston échauffe les esprits. Lors de la prolongation, la France croit prendre l'avantage définitif par Mario Streizer sur une volée somptueuse en pleine lucarne. Puis un tir d'Alain Giresse qui heurte le poteau allemand avant de rentrer. Les Allemands ne renoncent pas. Ils reviennent grâce à Karl-Heinz Rummenigge, entré en jeu 5 minutes auparavant, puis par Klaus Fischer, d'une magnifique bicyclette. Le finaliste va donc être le vainqueur de la première séance de tir au but de l'histoire. À 4 partout, Didier Six et Ulysse Tekes ont raté. Chaque équipe tire une fois. Maxime Bossis échoue côté français tandis que Horst Herbesch ne tremble pas. 5-4. L'Allemagne est en finale. Mais avant cette séance de tir au but, je vais revenir sur le fait de match qui a fait basculer la rencontre. Le choc Battiston-Schumacher. À la 57e minute, alors que le score était toujours de 1 partout, Patrick Battiston, défenseur de l'équipe de France, entre en jeu. 7 minutes plus tôt, se présente seul face à Harald Schumacher, le gardien d'équipe d'Allemagne, surnommé le boucher de Séville, qui percute en pleine vitesse sans toucher le ballon. Sonné, le défenseur français reste immobile sur la pelouse. On voit très vite que Patrick a un très grave problème. Il reste inconscient, il y a des dents cassées et l'arbitre ne siffle pas faute. Pas de pénalty, explique Michel Platini. Schumacher est battu, il ne peut pas avoir le ballon. Il essaye alors de tamponner Battiston. Les joueurs et le public, tout le monde a vu la faute. Le seul de ne l'avoir pas vu, c'est l'arbitre. Pour moi, il s'agit d'une totale injustice, ajoute Alain Giresse. Inconscient, Battiston sort sur une civière, fissure d'une vertèbre cervicale et 4 dents cassées. Alors que Platini lui tient la main, il est remplacé par Christian Lopez. De son côté, Schumacher provoque les supporters français faisant mime de leur envoyer le ballon. De nos jours, Battiston a pardonné à Harald Schumacher. Ils sont vus sur une télé, dans la télévision allemande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de On refait la Coupe du Monde. Salut!